pris sur le vif. Écoutez. Pardon, monsieur, connaissez-vous les établissements Poron ? Oui, monsieur, vous êtes sur la bonne route. C'est un peu plus loin, sur votre gauche. À plus d'un kilomètre ? Non, à moins de 200 mètres. Répétez. Pardon, monsieur, connaissez-vous les établissements Poron ? Oui, monsieur, vous êtes sur la bonne route. C'est un peu plus loin, sur votre gauche. À plus d'un kilomètre ? Non, à moins de 200 mètres. Écoutez. Je n'ai trouvé nulle part ta carte des sentiers et des refuges du massif de la Maurienne. Ah bon ? Je pensais qu'on en trouvait dans n'importe quelle librairie. Où as-tu demandé ? J'ai fait 2 ou 3 librairies. On m'a dit que je n'en trouverais que dans une permanence du club alpin. Répétez. Je n'ai trouvé nulle part ta carte des sentiers et des refuges du massif de la Maurienne. Ah bon ? Je pensais qu'on en trouvait dans n'importe quelle librairie. Où as-tu demandé ? J'ai fait 2 ou 3 librairies. On m'a dit que je n'en trouverais que dans une permanence du club alpin. Écoutez. Tu es bon skieur ? Je n'ai pas beaucoup de style, mais je passe partout. Quelle piste fais-tu d'habitude ? Je vais sur toutes les pistes, sauf sur les noires. Alors tu te débrouilles bien. Répétez. Tu es bon skieur ? Je n'ai pas beaucoup de style, mais je passe partout. Quelle piste fais-tu d'habitude ? Je vais sur toutes les pistes, sauf sur les noires. Alors tu te débrouilles bien.